Force de combat activée. Moi durtif du rap pisté. Après le salut, y'a pas de pitié. Là j'y vais, Hajime. Tu commences à pâlir, trottoir Paris en guise de tatami. Déterre comme tous les gars de la ville. Appelle tout le monde si t'as de la mif. Dans ton cerveau, on s'invite. Loin des sentiers qu'on t'indique. Par souci de discrétion, j'ai troqué le judo qui contre un jean. Kimono des temps modernes. Un flow hors pair en or massif. Les traîtres sont la cible. J'ai vu les flèches et les coups de Doc Martens. Fin du combat, ma pierre tombe. Non, même si tu me bombardes, j'étais sur la colline d'en face. Bref, sur la butte Montmartre. Système de taré, trop avarié. Pourquoi t'épargner? On se pète les tibias sur des poteaux, pas sur des palmiers. Malgré un mal de crâne, un manque de tact, un pack de frappe à base de rap, prends ça de balles, ne tarde pas, j'attaque de face. Pendant que tu tapes dans le vide, comme un boxeur sans allonge, tu passes les stylos noirs. La ceinture, ça sert à tenir le pantalon. Stylo plumé, ça vient des espions, on va quadriller ça. Pas moyen qu'on me dépouille dans la débrouille, j'ai le quatrième dame. Les filles qui travaillent quand la lune veille, ils croisent beaucoup de schlag. Ça s'ébruitera, j'ai couvert mes bruits de pas par le son d'un boom. Chaque fait ce vide, j'tiens pas debout. Technique du gars chelou, on me révine cette Nero sur la ouate, la menace comme garde-fou. Pour le futur, ce sera ni le Pura, ni Adego, mi Ateco. J'ai le flow qui frappe les côtes comme Emilianenko. Face à la matraque, DHI, Para, Yushimata. J'ai fini mes katas, maintenant j't'ai gras quand les soucis m'attrapent. Les élus se battent entre eux, paroles en l'air, nous on respecte la nôtre. Mais la photo de Zarco a pris la place de Jigoro Kano. J'me bats contre la foule, on m'a dit petit t'as de la foudre. Plus la foncée s'est abattue sur moi, t'as la foudre. Même si t'es pas net, j'fais de la magie, même si t'es pas l'aise. Appelle-moi Miyagi, j'écrase les mouches avec des baguettes. Tatami en béton, inspecteur en guise d'arbitre. Mon sang asiatique est toujours froid dans la bataille. J'fais confiance à ma plume quand les armes remplissent la ville. Pour guérir mes plaies, OCP en cataplasme. Tatami en béton, inspecteur en guise d'arbitre. Mon sang asiatique est toujours froid dans la bataille. J'fais confiance à ma plume quand les armes remplissent la ville. Pour guérir mes plaies, OCP en cataplasme.